jamais fini. Laisse faire la vie. Les faits de confiance s'installent seuls. L'abondance arrive seule. Les compétences s'installent seules. La bonne ambiance arrive seule. Pas besoin d'agiter au sol. Évaporer comme un arrêt au sol. Écoute ces paroles. J'espère qu'elles te consolent. Laisse passer la vie. Redresse-toi. L'équilibre, respecte tes acquis, le reste arrive.